ghetto, tout ça, ça fait de la pollution. La solution, c'est de prendre une résolution. Niquer tous les faux, puis être dans une révolution. S'entraîner, s'entraîner pour notre évolution. Je vais me faire de la némo avec des mots que j'ai dégotés. Réparti sur la démo, pour l'instant mettons de côté. Les cœurs que nous brisons, faut éviter la prison. Les keufs, les traîtres et les balances que nous méprisons. Quand on grandit dans la rue, c'est difficile de sourire. On pense à l'avenir, comment va-t-on pouvoir se nourrir? Après le sexe et l'argent, il va falloir courir. Écoute ces conseils, ça te servira, j'y passe à pourrir. Les cerveaux de l'État sont bel et bien en train de pourrir. Et si un jour tu dois mourir, c'est que t'as trop crié. Fallait pas toucher aux gens art que je me suis approprié. Et si tu veux t'en sortir, alors dans ce cas faut prier. Le cash nous rend ouf, pour nous soigner cognon. Tous les lâches qui se bouffent, pour une poignée de pognon. Les gamins respirent le salaire, et rêvent de gros salaires. C'est mieux qu'ils galèrent, qu'ils finissent les fesses à l'air. Les gamins respirent le salaire, et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Voir des peines nana c'est trop beau. T'as fait 8 heures par jour, je suis pas un robot. La galère laisse des traces comme une morsure. Vivre dans le ghetto c'est la morsure. À part nos proches rien devient parano. On se met à carotter, lâche ton gun carotter, la vie c'est chaud. J'entends des cris de rage, je décris ce que je vois, c'est fort comme des cris d'orage. Je crèche en bas de ma cité, pour cette raison je lâche des rimes fraîches. Les jambons sont rares dans le pays du jambon. Parfum d'argent, je pète les boulons. J'aimerais sentir le parfum de la belle vie. Pour moi tout ça c'est Toulon. On représente d'où l'on vient, je crache sur les fâches. Toulon, ça sera comme un sinistre. J'emmerde les ministres corrompus de France jusqu'au Sénégal. Escroquer les gens ici, on trouve ça légal. On vit dans la même France, la même souffrance. Marre d'entendre des sirènes. C'est vrai que je suis pas laf, mais je voudrais vivre dans un palace entouré de sirènes. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. La vie est un drame et moi son drama. Turge comme Shakespeare. J'aspire à une vie moins ordinaire, je m'inspire. De ce que je vois, je respire. Un air pollué, j'espère que les choses s'améliorent. Mais chaque jour c'est pire, ça tire, ça empire. Et nous autres, qu'est-ce qu'on en tire? Pendant que les maires dépriment, les shérifs donneraient bien des primes. En prime, le crime augmente. On frime et le fric nous brûle les doigts. On traîne, on trime, on perd nos tripes. Certains expient leurs fautes, d'autres expirent. On s'exprime comme on peut, on s'extirpe pas de ce monde. Merde, c'est chaque jour se plaindre, feindre que tout va bien, craindre l'avenir, éteindre les feux à venir, étreindre sa mère avant de la voir s'éteindre. Écoute les gosses jeunes, leur désir de monnaie. Je fais que dépeindre ma vie, je suis un peintre comme Monet. Mais c'est la tristesse que je vois point, on ne voit point de changement. Alors la cité emprunte son emprise, et certains finissent en prison. On est marqué par l'empreinte de la haine, on monte la barre. Mais dedans ou dehors, on sait que ça barre. La vie c'est hard, on brade nos vies comme à la braderie. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure. Les gamins respirent le salaire et rêvent de gros salaires. À force de traîner avec les grands personnages, on veut ressembler à des personnages. On rêve du bonheur, mais pour l'instant c'est pas le moment, on attend la bonne heure.